du 7. Visitez langenmecoet.com. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact de cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et image. Audiolite.qc.ca. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Alors, c'est Marc Chaunet avec vous ce soir, au choix musical. Il y a aussi Michel là, qui a préparé le début de l'émission, qui m'a envoyé un super bloc. Il a pris le tour là, de faire toutes ces compilations-là avec les plusieurs semaines où on n'a pas pu être avec vous et qu'on vous préparait des compilations musicales. Alors, on va débuter avec une primeur de Galahad, ce groupe britannique. Cette fois-ci, ça se présente sous le nom de Galahad Electric Company. C'est un nom qui avait été utilisé en 1999 pour l'album Deconstructing Ghosts. Et donc, c'est un retour avec ce nom-là pour l'album When the Battle is Over. Donc, ça va paraître le 5 octobre prochain. Et aussi, dans ce bloc musical-là, on aura une pièce d'Arabs in Aspic, l'excellent nouvel album d'Arabs in Aspic qu'on vous a présenté à quelques reprises, Madness and Magic. C'est leur 6e album. Il y avait eu un petit spécial avec la participation du groupe. Donc, on aura la pièce I Vow to Deep My Screen. Ensuite, Galahad, comme je le disais, Electric Company, ce sera la pièce All That Binds Us. On aura également la formation Riversea. Riversea, qui est une formation du Royaume-Uni aussi, tirée de Out of an Ancient World. Ça, c'est un album de 2012. C'était leur premier album. Et on aura également une pièce de Laughingstock, qui est un groupe de la Norvège. Et ils viennent de sortir un nouvel album sur Charisma, l'album The Island. L'album était paru en 2018 là, par le groupe en CD, CDR, qui n'était pas vraiment une parution officielle. Mais là, donc, on a l'album sur Charisma, The Island. Donc, on aura la pièce Who We Are. Et également la formation du Royaume-Uni Zop. On avait déjà fait jouer une pièce de Zop, Michel. On avait fait jouer en début mars. Et donc, ça, c'est une excellente formation. C'est instrumental du Royaume-Uni. Et il y a la participation d'Andy Tillison de The Tangent aussi sur cet album-là. C'est un très bon album. Moi, c'est un de mes préférés depuis le début de l'année, là, pour le rock instrumental, en fait, si vous aimez ça. Alors on y va tout de suite donc avec ce superbe bloc musical qui débute par Arabs in Aspic et dans lequel on aura également Galahad Electric Company en primeur. Thank you. Celebrate all Nobody knows others' traumas that lie beneath, where the spirit meets the bone. You don't know what happened so close to home. Compassion and empathy cost nothing, and prejudice is easy, but kindness is not so hard. Imagine one day if nature's fate dealt you that difficult card. Celebrate all that binds us. Celebrate all that binds us. Sky above, she sees the CKRL 89.1. Séparés du monde, unis par les ondes. Des questions et des réponses sur la COVID-19. Pourquoi doit-on respecter une distance de 2 mètres? La COVID-19 se transmet principalement par le contact avec des gouttelettes contaminées. Lorsqu'une personne infectée parle, tousse ou éternue, les gouttelettes peuvent être projetées jusqu'à une distance de 2 mètres et atteindre des personnes à proximité, ou encore se déposer sur des surfaces et des objets où le virus peut survivre de quelques heures à quelques jours. Bien se protéger, c'est aussi bien protéger les autres. Un message du gouvernement du Québec. D'inspiration amérindienne, la boîte à pain vous offre le Bannick, un pain fait de 30% de farine de maïs pure. Un délice au quotidien. Procurez-vous le Bannick à la boîte à pain pour seulement $4.25. La boîte à pain, du plaisir à tous les jours. Boiteapain.com. Savais-tu qu'en achetant ta bière dans des cruchons consignés, ton impact environnemental est bien moindre qu'en l'achetant en canette ou en bouteille standard? C'est pourquoi à la brasserie artisanale La Korrigan, nous avons opté pour le cruchon sans étiquette pour la vente de nos bières pour emporter. Évite la production d'emballages à usage unique tout en ne lésinant pas sur la qualité de ta bière en venant t'approvisionner à même notre nouveau frigo de cruchons pré-remplis. Même plus besoin d'attendre pour le remplissage. Brasserie artisanale La Korrigan, 380 rue Dorchester. Alimentex, épicerie certifiée biologique avec produits de santé naturelle à Québec. Formules et suppléments, aliments biologiques, produits de beauté et tisanes. Notre boutique située à Limoilou offre un vaste choix de produits naturels santé. 10% sur tous les produits à prix régulier en magasin le premier jour ouvrable du mois. Visitez notre boutique en ligne pour découvrir les formules Alimentex. Alimentex.ca, 11 88 1ère Avenue Limoilou, 88 529 79 88. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les. Disponible pour Android et iPhone. CKRL.qc.ca. De retour pour Terra Incognita. Alors, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était la formation Zop. Ça, c'est du Royaume-Uni. C'est leur premier album. C'est instrumental. Et c'est de style Canterbury, comme vous aurez pu le constater. Juste avant, il y avait la formation Laughing Stock, qui avait eu River Sea, Galahad Electric Company et Arabs in Aspic. On poursuit avec un deuxième extrait de l'album de Motor Psycho que j'ai présenté la semaine dernière. Mais on a aussi dans ce bloc-là la formation de Flower Kings qui va faire paraître son nouvel album là, le 30 octobre prochain, l'album Islands. Alors, c'est leur 14e album, évidemment, on les connaît depuis longtemps, les Flower Kings. J'ai hâte de voir, parce que cette pièce-là est vraiment excellente, là, la pièce qu'on va entendre de Flower Kings, la pièce Broken. On aura également un second extrait de la formation du Québec, Code 18. Ça, c'est tiré de l'album Human Error. Michel en avait fait jouer là, à la mi-août, à l'émission. On aura un deuxième extrait. L'album est quand même assez dynamique tout le long, sauf une pièce à la fin qui est plutôt douce avec un chant féminin, assez surprenant. Mais cette pièce-là est vraiment bonne. Droth est ma préférée. Et on aura également une nouveauté de la formation américaine Zip Tang. Moi, je connaissais pas cette formation-là. C'est quand même leur 6e album. C'est un groupe de Chicago. C'est l'album Cold Coming. Donc, on aura la pièce Vagabond, mais tout d'abord Motor Psycho. Donc on a Motor Psycho, Code 18, The Flower Kings et Zip Tang sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita. Where? many lost, too many kills. Too many drinks, too many pills. Too many hurt, too many years. Too many lost, too many tears. Too many bars, too many cheers. Dreamers, dreamers, dreamers. used to play in my neighbor's yard. We'd go and climb the maple tree. Used to run and laugh real hard, playing a fort where they could never see me. I used to ride my bike to the river and think about the things she'd say and relate to what they couldn't give her. I used to be someone, now I am no one. It all came undone, now I'm just a vagabond. Used to have a home, I never was alone. A happy family, but I refused to see. It was just a fantasy. That there's just too little love. But what the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Manque. Manque d'argent. Manque de temps. Manque de toi. Manque. Nom masculin singulier dans ses pluralités. Fait de manquer, absence ou insuffisance de quelque chose. Et vous, qu'est-ce qui vous manque? Un parcours théâtral et déambulatoire présenté aux alentours du Théâtre Premier Acte du 15 au 26 septembre dès 20h. Manque, un spectacle de théâtre escarpé en collaboration avec Premier Acte. Réservation de votre départ à lepointdevente.com. Manque. Eurofins Environex sont des laboratoires environnementaux spécialisés dans l'analyse de votre eau potable, de votre air ambiant et amiante. Vous avez un puits? Eurofins Environex peut analyser votre eau pour s'assurer de sa potabilité. Problème avec votre qualité de l'air? Problème d'odeur et d'humidité? Notre équipe de professionnels vous assistera pour effectuer les vérifications et analyses nécessaires pour trouver les causes de contamination de votre air. Eurofins Environex, votre partenaire de confiance dans l'excellence. Labenvironex.com. Alerte jaune. Attention. La propagation de la COVID-19 augmente dans votre région. Nous vous demandons d'augmenter votre vigilance, de diminuer vos contacts et rassemblements avec votre famille et vos amis et de respecter toutes les consignes des autorités de santé publique. Rendez-vous sur québec.ca/coronavirus pour découvrir tous les détails. N'oubliez pas de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Long & McQuaid, le magasin d'instruments de musique à Québec, vous offre la vente et la location d'instruments de musique, d'équipements de sonorisation et d'enregistrement, d'un service de lutherie et de réparation d'instruments à vent, de consultants en services éducationnels et d'une école de musique. Venez rencontrer notre équipe passionnée et attentionnée qui saura être à votre écoute afin de répondre à vos besoins spécifiques. Long & McQuaid, 2700 Chemin Sainte-Foy, 418-522-3877. Visitez longandmcquaid.com. De retour à Terra Incognita avec Marc Chaunet. Et c'était juste avant la pause, la formation américaine Zip Tang. C'était la pièce Vagabond. C'est tiré de leur album Cold Coming, qui vient de paraître, juste avant The Flower Kings, et leur album qui paraîtra. C'est un CD double, ou en tout cas ça va être 3 vinyles. Il y aura différentes configurations là, pour pouvoir se le procurer. Là, c'est disponible en précommande, évidemment, à Islands. En tout cas, cette pièce-là est excellente. Là, j'ai hâte d'entendre l'album. Il y avait juste avant Code 18, un nouveau groupe du Québec. Il n'y en a tellement pas souvent. Alors, c'était la pièce Drought, tirée de l'album Human Error. Et on avait eu Motor Psycho, tiré de leur nouvel album The All Is One. C'est leur 24e album en carrière. Là. Ils ont débuté, leur premier album était début des années 90, alors de la Norvège. On poursuit maintenant. Ah oui, c'est vrai, je voulais souligner. Quelqu'un nous faisait penser que le batteur de Uriah Heep, qui était là de 1972 à 2005, qui est Lee Kerslake, est décédé aujourd'hui à l'âge de 73 ans. Alors, c'est les pionniers hein, du rock progressif et très bon band, Uriah Heep. On va parler des années 70 peut-être dans les derniers blocs d'émission, étant donné qu'on fait une transition avec l'autoroute. Mais pour tout de suite, on poursuit en musique avec toujours des nouveautés de 2020. Un second extrait de l'album de Kansas, on reste aux États-Unis, donc Kansas après Zip Tang. Un est pas mal plus connu que l'autre, évidemment. Kansas, c'est leur nouvel album que Jean-François vous avait présenté. Leur nouvel album The Absence of Presence, voilà, c'est leur 16e album en carrière. Il y a deux pièces, en tout cas. La première, c'est celle que Jean-François vous a fait jouer, là, la première de l'album, et c'est la dernière, celle que j'ai choisie, qui me semble les plus prog. C'est quand même assez accessible, assez. Un peu pop là. À mon sens Kansas, mais j'adore cette pièce là de Song the River Sang. Ensuite on aura la formation polonaise Friend, un second extrait aussi de cet album là que j'ai bien aimé, Where Do You Want Ghosts to Reside, et ce sera la pièce Time to Take Stones Away. On aura aussi un deuxième extrait de Osiris, là, qui sont du Bahaim et qui font un retour après plusieurs années sur disque Pride's Insanity, ce sera le titre de la pièce. Et on aura également l'artiste de Québec, Christopher Stewart, et sa pièce Rising from the Ashes. Mais on y va tout de suite avec Kansas. Thank you. night our wishes will never be. We're standing here at heaven's gate but cannot find the key. Thoughts of being invincible once when we were young. Times have changed, we realize pride's insanity. Memories fade with time, it's true. Healing pain, they say. Living in our minds through life, but cannot find the key. Our memory lost and freedom's lost flow through us as one.

Alors, c'est assez théâtral, là, vous allez voir. Puis assez rock aussi, surprenant. On aura également une pièce de Lazuli, la formation française, tirée de leur plus récent album, Le Fantastique Envol de Dieter Bohm. Ça, c'est aussi paru cette année. On aura la pièce Mère Lacrymale et on terminera avec un doublé de Glasshammer tiré de leur plus récent album Dreaming City. C'est leur 19e album en carrière. Ils sonnent assez différents de tous les autres. On est mitigé un peu là, sur cet album-là, mais il y a des sonorités un peu à la Tangerine Dream des années 70 par bout dans des pièces. Alors moi, dans la les pièces que j'ai choisies, The Tower et Desperate Man, il y a un bout comme ça là, où on sent cette sonorité-là. C'est assez spécial. C'est tout à fait différent de ce qu'on entendait d'habitude dans Glasshammer. Bon, c'est ça la beauté de faire des disques de rock progressif. Alors, on y va tout de suite en musique. C'était Marc Chaunet avec vous hein, depuis 22 heures. Je vous laisse en musique avec toute cette belle musique. Donc, on vous souhaite une bonne semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est Jean-François qui sera avec vous. Et France, probablement. Alors, on y va avec Magic Bus, tiré de The Earth Ears, Barley Corn. Bonne fin de soirée. The wires to the stars. Smell the cinnamon bathing in the bin of lotus chai. sparso addosso a te, ma dove mai, dov'è la verità? Contro l'acciaio nemico, la la lama troverà il cuore con l'odio antico. Solo così troverai la tua pace, solo versando quel sangue, fino a che chi ti tradì non sarà ormai che un corpo di sangue. Vogue bataille vers un ailleurs, vers une âme sœur. Me voici désarmée et mes larmes salées de mes joues à la mer ont quitté la terre. C'est ainsi qu'une neige.